بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونج الله كنوزا comblé de ces rencontres par le biais de cette radio de taqwa. Wa sallallahu al-azim, Rabbul arsh al-azim, an yaj'alana wa iyyakum min al-muttaqin, wa an yazidana min fadlihi, wa an yufarraja 'anna ma nahnu fih, wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Et comme je l'ai annoncé au début de cette série, que chaque assise je la débuterai, que chaque assise je la débuterai par une introduction de laquelle nous devons tirer des leçons. Aujourd'hui, je voulais qu'on médite les leçons qu'il y a, certaines leçons qu'il y a dans Sourat Yusuf. Son histoire est une histoire extraordinaire et pleine de leçons. Omar ibn Khattab radiallahu anhu arda lisait cette sourate dans la prière obligatoire du Fajr, à tel point qu'un tabi'i a dit « Je l'ai mémorisé que dans la prière derrière Omar ibn Khattab radiallahu anhu arda ». Cela veut dire qu'il la lisait si souvent. À notre époque, c'est un imam le fait, qu'est-ce qui va lui arriver? Pas seulement chez la masse. Allahumma aslih hawalana. Allahumma aslih hawalana. Yusuf alayhi salatu salam a été jeté en prison injustement. Qala azza wa jal falabita fi sijni bid'a sinin. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est resté un certain nombre d'années en prison. Et dans cette épreuve, Yusuf alayhi salatu salam, dans cette épreuve de la prison, il a enduré. Il a patienté alayhi salatu salam. Et il a, dans la prison, il a appelé vers le monothéisme. Il a enseigné le monothéisme dans la prison. Il se comportait dans la prison avec les gens, avec un noble comportement. L'histoire de ce messager, alayhi salatu salam, est un immense exemple de patience et d'endurance. De patience et d'endurance dans l'accomplissement de la soumission à Allah. La patience, il a été dans les trois formes de patience, alayhi salatu wassalam. Il les a accomplis de la meilleure des façons. La patience dans ces trois formes, la patience pourra accomplir l'adoration, et la patience pour s'abstenir de la désobéissance, et la patience face au mauvais destin qu'Allah a décrété. C'est une histoire dans laquelle apparaît l'accomplissement de taqwa, par l'accomplissement des bonnes œuvres pour Allah et par le fait de s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et par le fait d'être soumis totalement au destin d'Allah azza wa jal. Hein? Donc c'est une histoire dans laquelle il y a l'accomplissement de taqwa dans toute sa splendeur. Yusuf alayhi salatu wassalam a accompli tout cela de la meilleure des façons. Et il a atteint les nobles buts et les situations louables, comme dit la leçon qu'il a donnée à ses frères en leur disant إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَيْنَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Il a dit à ses frères, dans cette traduction approximative du sens du verset, quiconque préserve les droits d'Allah et endure, Allah ne fait pas perdre la récompense de ceux qui sont bienfaisants. Il leur a répondu cela quand ils lui ont dit Tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Quand ils lui ont dit cela qui continue dans la traduction de ce verset, par Allah, Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Ô jeunesse musulmane, méditez ceci qui prouve la grande patience de Yusuf alayhi salatu wassalam et qui prouve sa grande abstinence et son éloignement de ce qu'Allah a interdit, alors que les motifs de la tentation sont nombreux, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de tout cela. Alayhi salatu salam, il était beau, jeune, séduisant, jouissant de la force, et il était tellement beau et séduisant que toutes les femmes de la ville étaient séduites par lui. Quand ils l'ont vu, قال عز وجل فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم. Quand ces femmes de la ville étaient invitées par la femme de l'Aziz, sorte de Pharaon, quand ils étaient invités, les femmes étaient invitées, et la femme de l'Aziz leur a donné un couteau à chacune, et à un moment donné lui a dit, sors les voir, va sors. Et quand, comme il est dit dans le verset, quand ils l'ont vu, ils l'ont admiré, se sont coupés les mains, et ils ont dit, toutes ont dit, ce n'est pas un être humain, c'est un ange. Yusuf alayhi salatu wassalam a été invité à la turpitude par la femme de l'Aziz, la plus haute autorité du pays à cette époque. Cette femme était belle, il était, comme vous dites dans votre jargon, un top modèle. Il s'est préparé, parfumé, il a préparé l'endroit et fermé les portes, et il s'est offert à lui. Et en général, on dit que l'étranger, quelque part, se permet des choses qu'il a peur de faire chez lui, car il est dans un endroit où personne ne le connaît. C'est pour ça que les gens, ils disent, « Ya gharib, kun adib, ô étranger, comporte-toi comme il se doit. » Car l'individu qui est étranger quelque part où on ne le connaît pas, ne se comporte pas bien en général et fait des choses qu'il n'ose pas faire dans le milieu où il est connu. Et avec tout ça, Yusuf alayhi salatu salam, cette reine, s'est offerte à lui. Cette reine l'a appelé, s'est offerte à lui. Et cette reine ne s'est pas limitée tout simplement à inviter Yusuf à l'adultère, mais aussi l'a menacé par la prison. Et avec tout cela, Yusuf alayhi salatu salam a dit cette noble et immense parole, Ma'ad Allah, innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Il a dit dans la traduction approximative de ce noble verset, qu'Allah me préserve de trahir mon maître qui m'a accordé un bon asile. Les injustes n'auront pas de succès. Quel bien, frère Allah Azza wa Jal, on peut espérer de celui qui commet l'injustice, et quel désir aura l'injuste dans le plaisir charnel qu'il fait des femmes de ceux qui ont confiance en lui. L'adultère ne cause à la personne que les angoisses et les oppressions et les remords. Et la tentation, ne s'est pas limitée à la femme de l'Aziz, mais aussi les femmes des notables dans la ville ont essayé de séduire Yusuf alayhi salatu salam, ont essayé de le faire tomber dans Zina. Yusuf alayhi salatu salam a cherché la protection de son Seigneur et a préféré la prison aux avances de la femme de l'Aziz et aux autres femmes des notables de la ville. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. Et comme il est relaté dans la traduction du sens du verset, ô Seigneur, la prison m'est préférable à leurs avances. Il a préféré, alayhi salatu salam, être enfermé et ne pas avoir la lumière du soleil, au confort qu'il est, dans lequel il était dans le palais de l'Aziz. Alors, comme il dit la situation, combien parmi nous peuvent accomplir leur hijra et sauver leur famille et se préserver et préserver leur famille dans un pays de l'islam? Ils ne le font pas. préférant le confort des pays non musulmans. Qu'Allah nous donne la clairvoyance. Qu'Allah nous donne la clairvoyance dans notre religion. Que cette épreuve de confinement causée par cette pandémie soit une onde de choc pour nous. Soit une onde de choc pour nous réveiller de notre somnolence. Regardez actuellement, ils ne font plus le lavage mortuaire du mort. Et même ceux qui ont les moyens, leurs corps ne peuvent même pas être rapatriés pour être enterrés dans les pays de l'islam. Ils parlent même d'incinérer les corps. Wallahu al-musta'an. Allahumma raddana ilayka raddan jamila. Allahumma akhrijna min hadihi al-bilad salimin ghalimin. Yusuf alayhi salatu wassalam a préféré la prison au confort qu'il avait dans les palais de l'Aziz. Yusuf, quand il s'est orienté vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, son Seigneur l'a exaucé et il est rentré en prison quelques années. Et il a fait face à tout cela avec la patience et l'endurance. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Il dit dans le verset, celui qui préserve les droits de Allah subhanahu wa ta'ala, qui patiente et qui endure, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas perdre la récompense du bienfaisant. Au contraire. Et revenons au sujet de notre rappel d'aujourd'hui qui concerne les mérites du jeûne du mois de Sha'ban. Nous avons vu lors des deux assises précédentes la signification du terme Sha'ban et aussi les hadiths concernant ce mérite. Et les hadiths concernant les mérites du mois de Sha'ban et le jeûne du mois de Sha'ban. Aujourd'hui, nous allons parler des mérites de la nuit, de la moitié de Sha'ban et des innovations que les gens ont inventées pour cette nuit. Et je vais vous citer les hadiths faibles et inventés qu'utilisent ceux qui innovent les innovations dans ce mois. Wallahu al-musta'an. Concernant les mérites de cette nuit, qui est la moitié du mois de Sha'ban, ces mérites sont nobles et sont énormes. An Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, قال, إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني في المشكاة رحمه الله تعالى. وفي رواية عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لاثنين مشاحن وقاتل نفس. حسنه الألباني في الصحيحة ورواه كذلك الإمام أحمد. Selon ces deux hadiths relatent les mérites de la nuit la nuit du milieu du mois de Sha'ban. Selon le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, le messager a dit Allah à qui n'échappe aucune situation et qui connaît toutes les situations, la moitié de Sha'ban, il pardonne à toutes ses créatures, sauf le polythéiste et le haineux. Le polythéiste et le haineux. Et dans la version d'Abdullah ibn Amr, le messager d'Allah, et donc le premier hadith, et Cheikh Al-Albani a dit que c'est un hadith Hassan, dans le Mishkat, et il est aussi de chez Abi Daoud et Ibn Majah. Et dans la version d'Abdullah ibn Amr, le messager d'Allah a dit, Allah qui sait tout de ses créatures, la nuit de la moitié de Sha'ban, pardonne à ses serviteurs, à l'exception de deux, le haineux et celui qui a tué une âme. Regarde, trois personnes ne seront pas concernées par la clémence, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit-là. L'associateur, le haineux et l'assassin. Ces deux hadiths en rapport avec les mérites de la nuit de la moitié de Shaban. Et là, nous devons observer deux points importants, dans ces hadiths. Le premier point, Allah pardonne à tous les soumis, sauf à l'associateur. Cela nous prouve le danger du polythéisme. C'est une injustice à laquelle il faut faire très attention, car il détruit tout. Et nous devons faire très attention à cela. Et on doit croire, on ne doit pas croire qu'on est à l'abri. Plus forts que nous sont tombés dans la mécréance et dans l'associationnisme. Puis, Abdallah al-Qasimi, qui est un contemporain, était un grand défenseur. Il avait beaucoup de science, défendait, il a créé des livres dans la défense du monothéisme et dans la réfutation des rawafis, des innovateurs, des associateurs et des mécréances. À la fin, il est mort apostat. On n'est pas à l'abri. Nous devons faire très attention. Le deuxième danger cité dans le hadith, la haine entre les gens. Allah ne pardonne pas aux haineux. Fait partie de la haine le fait de détester et de jalouser le musulman par passion et non pas par un but légiféré. Et cela empêche le pardon de cette nuit du milieu du mois de Shaban. Et aussi celui qui tue des âmes injustement n'aura pas le pardon de cette nuit-là. Celui qui tue les gens injustement, qu'ils soient mécréants ou croyants, ben il n'aura pas cette miséricorde et ce pardon de cette nuit-là. Et concernant la nuit de la moitié de Shaban, il n'est pas légiféré de la fêter d'une façon ou d'une autre, car cela, c'est une innovation répréhensible. Que ce soit en se réunissant pour les adorations, ou en chantant des poèmes, ou en nourrissant de la nourriture, ou en illuminant les mosquées, tout ce que j'ai cité, ce sont des innovations que les pieux prédécesseurs n'ont pas fait. Et tout le bien est dans le suivi des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Les Marocains appellent cette nuit l'Eid al-Fadila, la nuit du mérite, l'Eid al-Fadila. Ils font un repas particulier avec le poulet bildi, le poulet fermier, etc. Dans la journée, ils visitent les cimetières. Ces dernières années, ils ont créé la Umrah de Shaban. C'est-à-dire la Umrah de Shaban qui s'accomplit la nuit du 15e Shaban. Et aussi, les femmes, jusqu'à une certaine époque, se réunissent le soir sur des champs avec des tambourins et appellent ça Shaban. Autour d'un repas, ils appellent pas cette soirée-là Shaban. Même les soulards, ils ont une soirée appelée aussi Shaban où ils saoulent comme ils ne le font pas d'habitude, pour arrêter l'alcool jusqu'à la clôture de la fin du mois de Ramadan. Regardez, même les pervers, ils ont leur innovation dans cette nuit-là. Voici certaines innovations que certaines tendances ont propagées et ont encouragées durant cette soirée-là du milieu de Shaban. Une prière qu'ils appellent Salat al-Bara'a, la prière de l'innocentement, qui consiste à prier durant cette nuit 100 rak'at. L'imam lit dans chaque rak'at 10 fois qu'il est Allahu Ahad. Regardez la charge qu'impose la bid'a et comparez ça avec l'aisance et la facilité de la sunna. Et aussi une prière du 6 rak'at. Prier 6 rak'at pour repousser soi-disant les épreuves et pour vivre longtemps, et pour ne pas dépendre des gens. Ajib. Subhanallah al-Azim. Et attention, il ne faut pas répondre à l'invitation de ces éclatés qui vont appeler à ces innovations durant cette nuit du milieu du mois de Shaban. Parce qu'ils ne se lassent pas de l'innovation. Aussi, ils lisent Sourate Yassine et ils font des du'as spécifiques, inventés, dont, hein, inventés pour ce but. Et je ne citerai même pas ces du'as tellement ils sont lourds. Certains même, regardez, comme vous allez le comprendre donc quand on va citer les hadiths inventés et faibles concernant le mois de Shaaban et concernant cette nuit. Certains même croient que la nuit du milieu de Shaaban, c'est la nuit du destin, de son appellation l'Itlfdila. Alors que ceci est un mensonge chauve. La nuit du destin, elle est dans le mois de Ramadan. Hein? Au point que ceux-là, l'Itlfdila, concernant le Shaaban, la nuit du, la moitié du Shaaban, a été chanté, et il est encore chanté dans certains chants du groupe populaire contestataire apparu au Maroc dans les années 70. Cette nuit du milieu du Shaaban, c'est une nuit comme les autres. Il a du mérite, mais c'est une nuit comme les autres. Il n'a pas été légiféré des adorations spécifiques pour cette nuit. Pour cette nuit, il n'a pas été légiféré de réunion, ni d'invocation spécifique, ni de quantité de lecture du Coran, ni de veiller en prière, aux récitations de poèmes, etc. Tout cela ne saurait être accepté, et sauf s'il est conforme à la législation d'Allah. Et là, ce n'est pas le cas. Et là, ce n'est pas le cas. Là, c'est tout simplement, c'est de l'innovation de la religion d'Allah, Azza wa Jal. Hein? Qu'est-ce qui a fait tomber ces gens-là dans l'innovation? Ce qui les a fait tomber dans ces innovations pour cette nuit de la moitié du Shaaban, deux hadiths inventés. Un hadith inventé et un autre faible. Yurwa an Ali ibn Abi Talib annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا ألا ألا حتى يطلع الفجر. حديث موضوع رواه ابن ماجة وقال الألباني موضوع وانظر الضعيف للألباني رحمة الله عليه. دون سو حديث انفونتي شيخ ناصر الدين الألباني لا سيتي دون لا شين دي فابل اون ديزون كو سي ان حديث انفونتي اي لي سيتي دون سنن ابن ماجه حديث شيخ الألباني ادي سي تان حديث انفونتي. علي دون سو حديث علي اوغي اتريبيو او ميساجي سيت بارول ها qu'il aurait dit, veillez à l'accomplissement des prières nocturnes durant la nuit du milieu de Shaaban, et jeûnez sa journée, car Allah descend au coucher du soleil de cette nuit au ciel de la vie, et dit, qui demande le pardon, je lui demande, qui demande la subsistance, qui demande la subsistance, je la lui donne, qui demande ceci ou cela, je lui donne, qui demande d'être guéri et épargné des épreuves, le guérir, je lui parle les épreuves, et qui demande ceci, cela, etc. Et ceci jusqu'à l'aube. Le hadith est un hadith inventé. Voilà leur base de départ, un hadith inventé. Et voici le deuxième hadith faible, hadith da'if, rawahu ibn Majah wa da'afahu al-Albani fil Mishkat. An Aisha qalat, فقدت النبي ذات ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع يديه إلى السماء فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قالت قد قلت وما بي ذلك ولكنني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. Dans ce hadith faible, Ce hadith faible nous dit qu'une nuit Aïcha n'a pas senti le prophète auprès d'elle et il est sorti le chercher. Le prophète était à Al-Baqi', dans le cimetière, qui est proche de la mosquée, les mains levées vers le ciel, et il aurait dit à Aïcha, as-tu peur qu'Allah et son messager soient injustes avec toi? Aïcha lui a dit, non, ce n'est pas ça, mais j'ai cru que tu étais voir une de tes femmes. Et le prophète aurait dit à ce moment-là, Allah descend la nuit du milieu de Shaban au ciel de la vie et pardonne à un nombre de gens qui dépassent les poils des troupeaux de moutons de Kalb. Kalb, c'est une tribu qui sont connues qui sont des grands éleveurs de moutons. Ce hadith est faible. Et c'est sur ces deux hadiths que les innovateurs et les ignorants se basent pour innover durant cette nuit ce qu'ils font. Et cela nous ramène à parler des dangers de l'innovation dans la religion d'Allah, Azza wa Jal, et de l'impact néfaste qu'a l'innovation sur la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam. Qu'on sache que celui, comme disent les hommes de science, qu'on sache que celui qui innove quelque chose dans la religion d'Allah, il est tombé dans plusieurs interdictions. Comme les ont cité les hommes de science. La première, son acte dément ce que veut, ce que prouve la parole d'Allah qui dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Car ce qu'il a fait comme une innovation ne fait pas partie de la religion quand le verset est descendu. Donc celui-là, il dément le verset. Et selon cette innovation, la religion n'est pas parachevée. L'aïdal billah. Deuxième danger, l'innovateur avec son innovation se met au devant Allah et son messager en rentrant et en immisçant dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Alors qu'Allah allait légiférer les législations et instaurer les limites, il a parachevé sa religion. Et il n'y a aucun doute que l'innovateur qui a innové ce qui ne fait pas partie de la religion a dépassé les limites et a franchi la ligne rouge et il est injuste. Comme il est dit dans le verset, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. La traduction approximative du sens du verset, ceux qui dépassent, qui transgressent les limites, ceux-là ce sont les injustes. Et l'innovateur avec son innovation, il a dépassé les limites, il a dépassé la ligne rouge. Donc il est injuste. Le troisième danger, la troisième interdiction, le fait d'innover dans la religion d'Allah. La personne se met en associé avec Allah dans la légifération, dans le fait de légiférer dans la religion d'Allah. Qala azza wa jal, am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. La traduction approximative du sens du verset nous dit ceci. Ont-ils des associés à Allah qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas autorisé? Donc la situation est très dangereuse. Et la quatrième interdiction dans l'innovation, le fait d'innover dans la religion, la personne se met dans deux positions très dangereuses et très graves. Soit il dit par son innovation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignore cet acte qui fait partie de la religion et cette innovation vient le compléter. Et cet innovateur vient le compléter à la place du prophète alayhi sallam. Soit que le prophète savait cet acte innové par l'innovateur, mais il l'a caché. Et les deux positions sont un dénigrement dans la prophétie du messager alayhi salatu wasalam. Dans le premier cas, l'innovateur traite le prophète alayhi salatu wasalam d'ignorant, qui ignore les lois de la législation. Dans le deuxième cas, il le traite d'avoir caché ce qu'il connaît de la religion d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. On doit faire très attention à l'innovation et ne pas innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La cinquième interdiction et le cinquième grand danger, le fait d'innover dans la religion motive les gens à inclure dans la religion et à immiscer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui n'en font pas partie. Que ce soit au niveau des croyances, ou au niveau des paroles, ou au niveau des actes, et ça c'est une grande injustice que n'aime pas Allah Azza wa Jal, ni son messager alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que Salaf, Ridwanullah alayhim, était sévère dans la réplique et la réfutation des innovations et des innovateurs. Pas comme certains de nos contemporains aujourd'hui. Laisse-le tranquille, il ne veut que le bien, il ne fait que du bien. Qu'est-ce que ça fait qu'il prie? Qu'est-ce que ça fait qu'il invoque Allah de cette façon, etc. Et nous avons la parole de notre noble pieux prédisseur d'Allah Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Ridwanullah Ali, qui a dit, Kam min muridin lil khayri lan yusibahu. Combien de gens veulent le bien, mais ils le ratent. Pourquoi ils le ratent? Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin. Le chemin du bien, ils ne l'ont pas pris. Ben, ils ne pourront pas l'avoir. Forcément, ils vont le rater. Le sixième danger dans l'innovation, c'est que l'innovation cause la division de la communauté. Et chaque groupe va se créer une voix, et traitera les autres de moins que rien, et la communauté se retrouve dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et notre réalité est le plus grand argument à cela. قال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés dans la religion et qui ont divergé dans la religion après avoir eu les éclaircissements et les preuves. Ceux-là auront un énorme châtiment. Et il n'y a aucun doute que l'innovation divise la communauté et fait perdre à la communauté sa force. Il la donne comme proie à Shaitan et aux ennemis d'Allah. Et l'innovation fait tomber aussi la communauté dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. قال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. Et regardez dans ce verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ceux qui ont divisé leur religion et que se sont constitués en partie dans leur religion, tu ne fais pas partie d'eux, tu les dis à vous, tu ne fais pas partie d'eux. Leur situation est à Allah, et Allah va leur annoncer ce qu'ils faisaient. Hein? Nous n'avons pas besoin de dessin. Regardez les tendances qu'il y a, qui existent dans la communauté, qui ne cesse de pousser comme des champignons, Wallahu al-musta'an. Hein? Et regardez comment ils se constituent en partie. Et avec ça, ils font la guerre à la sunna et aux gens de la sunna. On s'allie même des fois avec le rawafid, même avec les ennemis d'Allah. Et ça, c'est l'innovation. Quand tu n'as pas de pideur, fais ce que tu veux. Le septième danger, c'est que l'innovateur s'occupe de son innovation et délaisse ce qui est légiféré dans la religion d'Allah. Car chaque fois que des gens innovent une innovation, ils délaissent ce qui lui correspond dans la législation d'Allah. Et regardez, hein, comme vous allez l'entendre tout à l'heure, la nuit du destin n'est pas citée dans toutes, hein, les hadiths qui sont un appui dans l'innovation de ce qui se fait durant cette nuit de la moitié du Shaban. Et certains même vont même à dire que c'est la nuit de Shaban, le milieu de la nuit de Shaban qui est la nuit du destin, l'Iyadan Billah. Hein? Et cela te prouve que l'innovation aveugle et te détourne de ce qui est légiféré et te fait remplacer ce qui est légiféré par l'innovation. Il faut se rendre à l'évidence que ce qui nous a été rapporté dans le livre et l'authentique de la Sunna nous suffit largement comme étant l'application juste, ce qui a été rapporté authentiquement, comme l'ont fait les pieux prédicateurs, wallah alayhim. قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit aux gens, une exhortation, c'est-à-dire le Coran, vous êtes venu de votre Seigneur une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide, une miséricorde pour les croyants. Dans le Coran, pas en dehors du Coran. Dans le Coran et dans la révélation faite à Mohammed a.s. pas dans les innovations. Aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison, et de ce qui est dans les poitrines, un guide, une miséricorde pour les croyants. Dit, ceci c'est la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Voyons maintenant comment nos pieux prédécesseurs d'Allah ont compris la miséricorde et les bienfaits. Un jour, le prince des croyants, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, est sorti vers l'extérieur du Médine pour inspecter le troupeau de la zakat. Hein? Le troupeau constitué par la zakat. Hein? Il est allé le voir et avec lui, hein, des jeunes qui est à son service. Quand ce jeune qui est au service de Omar ibn Khattab a vu le troupeau, hein, de chameaux, il a dit, c'est le bienfait d'Allah. Omar ibn Khattab l'a touché avec son doigt ou avec un bâton, il lui a dit, tu mens, le bienfait d'Allah, c'est le Coran. Et il lui a récité ce verset. Et il lui a récité, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Dit, ceci, c'est la grâce d'Allah et sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir. C'est bien mieux que cela. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Voyez où il était la compréhension et la aspiration de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Pourquoi il faut les suivre? Pourquoi il ne faut pas dévier de leur chemin? Hein? Pourquoi il ne faut pas sortir de leur chemin? قال عز وجل فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Et dans l'autre verset, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, et quand vous recevrez mon éclaircissement et mon rappel, celui qui le suit ne s'égarera pas ni ne sera malheureux. Mais dites, frères en Allah, Azza wa Jal, et sur Allah, subhanahu wa ta'ala, le suivi de la législation permet de ne pas s'égarer. Le suivi de la législation permet d'être guidé. Le suivi de la législation permet d'avoir le bonheur. Le suivi de la législation n'emmène pas vers le malheur. Et la louange est à Allah, le souverain du monde. La louange est à Allah, le souverain du monde. Nous devons faire très attention et pas faire n'importe quoi dans la religion d'Allah. Et pas dire n'importe quoi dans la religion d'Allah. Et nous devons avoir de la compassion pour ceux qui innovent dans la religion d'Allah. Il est malheureux, j'ai reçu un message, certains de nos frères qui sont sur la même voie que nous, avec lesquels nous sommes liés par le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Il a envoyé un message quand il y a eu la masse et les jeunes ont répondu à l'invitation de ces prêcheurs du mal qui leur ont dit sortez le soir, comme ça s'est passé à Sla et à Fès et à Tanger. Sortez, ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala au synchro, etc. Donc une grande innovation et un grand danger pour eux, etc. Ce jeune frère m'envoie un message comme quoi, où il dit, regarde, c'est ouf. Subhanallah. Quand les gens sont dans l'égarement comme ça, on doit avoir un regard, deux regards sur eux. Un regard de compassion. Avoir pitié pour eux. Et regardez, Omar ibn Khattab, il est passé avec une troupe devant une retraite spirituelle d'un rabbin. Et Omar ibn Khattab a pleuré. Et ceux qui étaient autour de lui lui ont dit, pourquoi tu pleures au prince des croyants, pourquoi tu pleures? Ce n'est qu'un associateur, un rabbin qui est là. Et il a récité le verset « Halataka hadithul ghashiya »« Ujuhun yawma idin khashi'atun amilatun nasiba tasla naran hamiya » Il a récité ce verset que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à cette sourate, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on a fait une sunna pour la prière du vendredi dans la deuxième rak'at « Halataka hadithul ghashiya » As-tu eu les nouvelles de ces gens-là qui ont œuvré, qui se sont fatigués dans l'œuvre et qui vont se retrouver au feu de l'enfer? Donc nous devons avoir un regard de compassion sur les gens qui innovent et aussi un regard de la législation, voir qu'ils sont dans un danger et essayer de les aider, de voir qu'ils sont dans, qu'ils ont transgressé la législation d'Allah et qu'ils sont dans une situation dangereuse et essayer de leur tendre la main. Et non pas de s'en moquer ni d'en rire. Et ceci est très dangereux. Qui te dit qu'on sera épargné, qu'on va être constant jusqu'à l'arrivée de l'ange de la mort sur la voie de nos pieux prédécesseurs dans l'âme? Qui se garantit cette situation? Nous devons faire très attention à l'islam. Nous devons être vigilants dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Aussi à notre, mon voix, une blague qui est faite, une sorte de mise en scène faite pour chaque jour avec une denrée alimentaire. Subhanallah. Au lieu de remercier Allah Azza wa Jal, que malgré cette pandémie, malgré cette épreuve, Allah, il a fait qu'il existe la nourriture et la subsistance pour ses serviteurs. Et on joue avec comme ça, et la personne qui faisait ça, le faisait avec un accent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pas le moment de faire des blagues. D'abord, le musulman ne fait pas des blagues sur n'importe quoi et n'importe comment et avec des mensonges. Subhanallah al-Azim. Ça en temps normal. Qu'est-ce qu'il en est en période de difficulté où l'humanité entière est bouleversée par un petit soldat d'Allah qui ne se voit même pas à l'œil nu? Qu'est-ce que nous voulons, frère en Allah, Azza wa Jal? Ça doit être une leçon pour nous. Ça doit nous pousser à réfléchir encore plus et à méditer notre situation, à méditer nos lacunes, nos défauts, et à y remédier, et à essayer de nettoyer ces rancunes et cette haine que nous avons dans les cœurs les uns envers les autres. Il a essayé de se pencher sur le sort des autres. Il a essayé de tendre la main et d'être d'un bon conseil pour la masse, pour ceux qui sont égarés. Parce que si quelqu'un se fait guider, prend la bonne voie par ton intermédiaire, hein, c'est énorme. C'est une énorme récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Compte, qu'est-ce qu'il en est quand c'est un mécréant et un associateur? Fa, sallallahu alayhi wa sallam, rabbul arsh al-azim, an yulhimana rujdana, wa an yaqiyana sharra anfusina, wa an la yakilana ila anfusina tarfata ayn. Salut subhanahu wa ta'ala, an yaruddana ilayhi raddan jamila, wa an yulina wa iyaakum al-haqqa haqqan, wa irzuqna tiba'ah, wa yulina wa iyaakum batila batilan, wa irzuqna ijtinabah. إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.